café, écran qui s'allume. Je clique sur le lien comme un petit rituel du matin. Des pinocs qui brillent, des couleurs qui s'embrassent. Tout un monde qui tient dans un simple clic dans ma main. La création, on se retrouve, on se raconte nos passions. Entre tutos, fou rires et belles émotions. La création, on parle de tout, on parle de rien. En chanson, c'est notre coin de cœur, notre maison. Florence qui passe et son équipe qui salue. Comment tu vas aujourd'hui? Ça fait du bien, ça fait du bruit. Des tubes, des photos peintes au pixel près. On s'applaudit, on se répond comme une grande famille en secret. Leur création, on se retrouve. Tuto, fou rire et belles émotions. La création, on parle de tout, on parle de rien. En chanson, c'est notre coin de cœur, notre maison. Les jeux de la semaine, les défis du week-end, les rendez-vous. Je ferme l'onglet, jamais vraiment, car dans ma tête.